La tragédie de juin 1940, l'exode. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. De juin 1940, de juin 2020, nous allons tenter de rejoindre Tours. En juin 40, le gouvernement va bientôt s'exiler à Tours, où nous attend Éric Alary. Bonjour à vous, Éric Alary. Bonjour Jean Lebrun. Alors dites-moi, quand le gouvernement va s'installer, on en parlera dans peu de jours, fuyant Paris, la question numéro un est celle du téléphone. La demoiselle du téléphone de Radio France, Hélène Kouyoumtchian, a essayé d'installer avec vous une application sur votre téléphone qui aurait lissé la conversation. Et on n'y est pas parvenu. Eh non, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Et en 1940, ça fonctionnait bien, le téléphone à Tours ? Le téléphone à Tours a à peu près bien fonctionné, entre les ministres qui étaient répartis entre 1940, entre différents châteaux, et bien souvent le téléphone ne marchait pas ou avait été arraché, ce qui était très compliqué pour permettre la discussion entre les membres du gouvernement. Donc on va demander aux auditeurs de France Inter aujourd'hui la même attention que les membres du gouvernement tentaient de se porter quand ils étaient dispersés dans des châteaux qu'on avait choisis isolés pour s'épargner les bombardements. On va peut-être d'essayer de définir les mots avant de commencer cette émission. Oui. Il va y avoir, au bout d'un moment, quand la guerre se rapprochera de Paris, peut-être 6, 8, 10 millions de réfugiés, évacués. Et puis ce mot « exode », qui, à l'origine, est un mot qui signifie la libération pour le peuple élu qui quitte l'Égypte et qui s'est laïcisé à partir du milieu du 19e siècle pour désigner le départ en masse de population. Oui, alors effectivement, le terme d'exode est un terme qui a été utilisé presque naturellement, assez curieusement d'ailleurs, dans la presse française, dès le mois de mai 1940, peut-être pour indiquer effectivement le caractère massif des exodes qui vont donc avoir lieu pendant cette période-là. Peut-être est-ce pour marquer aussi, pour certains journalistes, la main de Dieu qui punirait la France. On a toutes sortes d'origines qui peuvent être prêtées à ce terme d'exode. Quant au terme de réfugiés et d'évacués, il y a une ambiguïté sur l'utilisation des termes, puisque dans des, on peut dire des notices ministérielles, dans des projets ministériels pour préparer des évacuations dans l'entre-deux-guerres éventuelles, eh bien, on s'aperçoit que les ministres utilisent soit réfugiés, soit évacués comme terme. Et il ne faut pas oublier que ces termes de réfugiés et d'évacués avaient été utilisés de façon un peu ambiguë déjà pendant la Première Guerre mondiale, puisque on sait qu'à peu près 2 500 000 réfugiés ont sillonné les routes de France entre 1914 et 1918. Jean-Pierre Azéma, l'historien, a utilisé un terme qui est le terme d'exodien. Il a créé ce néologisme qui effectivement permet de regrouper tous ceux qui ont traversé la France entre mai et juin 1940, y compris les étrangers, car certains hommes politiques faisaient la différence entre évacués et réfugiés en fonction justement de ce clivage étrangers-nationaux. Les étrangers étant les réfugiés, les évacués étant en fait des Français réfugiés dans leur propre pays. Mais on voit que le droit international public n'est pas fixé avant-guerre sur l'utilisation des termes. Il faut 1951 pour voir des textes officiels créés, écrits, donner un statut réel au terme de réfugié, à la personne du réfugié dans le cadre de négociations au sein de l'ONU. Eh bien, on va garder l'hypothèse du mot exodien que vous utilisez dans le travail important que vous avez fait sur ce sujet. L'exode a été réédité récemment dans la collection de poche Tempus chez Perrin. Les premiers évacués. On va utiliser le mot réfugié dans le reportage qu'on va entendre dans un instant. Viennent du Luxembourg et viennent de Belgique, une fois que l'offensive allemande s'est déployée le 10 mai. Pour les Luxembourgeois et pour les Belges, on avait prévu des points de passage, on avait prévu des voies de pénétration à travers la France qui les mèneraient vers des départements élus. Oui, effectivement, comme pour les Français du Nord, des départements refuges étaient prévus. Pour les Belges, des départements refuges étaient prévus, notamment dans le Sud-Ouest, mais aussi en Bourgogne. Des plans d'évacuation qui ont été mis en place par les autorités belges et françaises, autorités militaires et civiles françaises, dans les années 1930. On retrouve dans les archives des circulaires qui datent de 1935, 1938, avec des plans d'évacuation qui prévoient des itinéraires, comme vous le dites, par la route, par le rail. Ce sont les militaires qui sont sommés d'évacuer les civils, et notamment les civils belges en cas de reflux, et parce que ceci faisait partie d'une stratégie militaire globale. Donc il fallait prévoir des parkings, des garages, des relais avec de l'essence, pour ne pas gêner non plus la circulation des armées. Alors sur le papier, c'est parfait, c'est très fluidifié, et d'ailleurs, dans les négociations entre les militaires français et les militaires belges en 1938, plusieurs fois, j'ai repéré le terme de réfugié et d'évacué. On sent encore que là, le terme n'est pas bien maîtrisé, mais on sent que peut se préparer et ils ne veulent pas être pris au dépourvu, ces deux autorités belges et françaises, comme ce fut le cas en 1914-1918. Donc, ils se targuent de tirer les leçons de la guerre précédente. L'utilisation des deux mots, on va la retrouver dans ce son venu des actualités cinématographiques à la mi-mai, à la frontière belge. Nous sommes à la frontière franco-belge. Nous voyons de longues colonnes de troupes britanniques, de matériel, de ravitaillement et d'armes qui entrent en Belgique. Mais l'enthousiasme de cette partie de la Belgique contraste énormément avec les souffrances des réfugiés, venant par exemple de Liège. Dès le matin du 10 mai, commence au Luxembourg et en Belgique le douloureux exode sous la menace des bombardements aériens qui, toute la nuit passée, ont incendié et massacré en attentats inexpiables contre villes ouvertes et villages. Exode douloureux que la guerre à la manière allemande fit souvent tragique. En vertu d'ordres formels reçus, l'aviation allemande pourchassa, faucha de ses rafales de mitrailleuses les pauvres cortèges tout au long des routes. L'exode que nous évoquons avec au téléphone depuis Tours, Éric Allary, concerne les Belges, les Luxembourgeois, et puis la guerre se portant sur le territoire français très vite concerne aussi les habitants des Ardennes, du Nord et du Pas-de-Calais. Et les bombardements accompagnent l'évacuation des réfugiés. Journal d'Alexander Werth, c'est le correspondant du Guardian à Paris, fin mai. Les correspondants de guerre discutent autour du cas d'un aviateur nazi de 17 ans qui aurait continué à mitrailler les réfugiés sans arrêt jusqu'à ce que mort s'en suive pour lui par une réaction de la DCA. Alors qu'est-ce qu'on a dit des bombardements et est-ce que les bombardements n'ont pas contribué à la panique? L'exode, c'est une épidémie. Bien sûr, et d'ailleurs quelques grands écrivains, comme Saint-Exupéry, dans Pilote de guerre, que vous évoquiez hier, parlent de ce sirop interminable, de cette contagion du refuge. Les bombardements, effectivement, c'est la terreur. Il y a aussi déjà des images dans la tête des Belges, des Français du Nord, qui sont notamment les images des bombardements en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, en 1936-1937. C'est aussi les 1914-1918 qui vont beaucoup influencer les futurs réfugiés. Donc très rapidement, l'entrée des Allemands en Belgique va contribuer à provoquer une véritable panique. Il faut quand même penser que la Belgique, c'est 8 400 000 habitants à peu près en 1940 et près de 2 millions de Belges vont donc s'en aller. D'abord, ceux du Nord, puisqu'ils vont amener avec eux aussi vers le sud de la Belgique quelques centaines de Hollandais. C'était d'ailleurs le général Giraud qui était chargé avec les troupes françaises de défendre en partie la frontière entre la Belgique et la Hollande. Bref, les Belges, donc, du nord, refluent assez rapidement un peu où ils peuvent, hein, vers le sud, sud-ouest de la Belgique, quelques centaines donc de Hollandais, 35 000 à peu près bourgeois. Donc il y a plusieurs phénomènes, plusieurs facteurs qui vont créer ce phénomène de contagion. Les récits de 14-18 sur les atrocités allemandes, dont certaines ont été gonflées par la propagande. Il y a les bombardements, les images ou les récits qui portent sur le bombardement de Rotterdam, qui a fait des centaines de victimes. Et puis, également, en Belgique, le départ des bourgmestres, des maires, le départ de l'équivalent des préfets, le départ des gendarmes belges qui, finalement, vont, tous ces départs, finir de convaincre les Belges qui voulaient rester dans le pays de s'en aller. Évidemment, lorsque Bruxelles va être menacée autour du 14 et du 15 mai, évidemment, là, beaucoup plus de Belges encore vont vouloir rejoindre la frontière française. Mais problème... Allez, Eric Allary, je vous propose aussi d'évoquer la segmentation des troupes françaises. Je parle de segmentation parce que notre conversation téléphonique est elle-même un peu hachée. Les troupes françaises vont se retrouver prises dans l'exode. Voici le cas de Claude Simon. Claude Simon, prix Nobel de littérature, a publié des chefs-d'œuvre sur cette période, notamment la bataille des Flandres. Il est au 31e dragon de Lunéville, il se retrouve du côté du Pas-de-Calais, donc avec ce régiment de cavalerie. C'est Antoine Vitesse qui lit un extrait de la bataille de la route des Flandres avant qu'on entende l'écrivain lui-même. N'avais-je jamais cessé de dormir les yeux grands ouverts en plein jour, bercé par le martèlement monotone des sabots des cinq chevaux piétinant leurs ombres, ne marchant pas exactement à la même cadence, de sorte que c'était comme un crépitement alternant, se rattrapant, se superposant, se confondant par moments, comme s'il n'y avait plus qu'un seul cheval, puis se dissociant de nouveau, se désagrégeant, recommençant, semblait-il, à se courir après. Et cela, ainsi de suite. Mais alors, quelle était, pendant cette dernière guerre, quelle pouvait être la fonction d'une cavalerie? Ça paraît tout à fait anachronique. Nul. C'était armé d'un sabre et d'un mousqueton contre les blindés et les avions allemands. Enfin, ça serait toute une histoire à mettre au clair. On a envoyé des régiments de cavalerie comme ça, à cheval. En Belgique, au-delà de la Meuse même, rencontrer les divisions blindées allemandes et l'aviation allemande, ça a été un massacre. Je ne sais pas ce que ces gens-là pouvaient imaginer. Je dis ces gens-là avec un certain dégoût. Parce que vraiment, je ne voudrais pas employer des mots trop grands, mais ça frise le criminel d'avoir fait des choses pareilles. Ah, c'était au printemps, c'était au mois de mai, toute la nature était en fleurs. On mourait dans les pâquerettes. Enfin, c'était une nature riante, paisible, et puis l'enfer se déchaînait là-dedans. Le contraste était peut-être encore plus frappant. Et je résume la suite du récit de Simon. Voilà que le matin du 17 surgit le colonel, qu'on n'avait pas vu depuis 5 jours, qui engueule tout le monde, qui prend la tête d'un escadron, et il se jette dans une embuscade de blindés allemands. Il reste 3 personnes, et le colonel court pour aller se faire tuer. Et non loin, dans un château, le téléphone commence à ne plus répondre. Ah, le téléphone. Le général marche de long en large. Ses officiers entendent une détonation qui a lieu dans le bureau où se tient le général. Par la fenêtre, on voit, au-delà des massifs bien taillés de fleurs, la route où passent de plus en plus de réfugiés, hébétés. Les officiers forcent la porte du général. Et il le voit renversé sur son fauteuil, derrière son bureau, avec seulement une moitié de tête. Il s'est suicidé. Et aussitôt, dit Claude Simon, les officiers se mettent à galoper dans les étages. Ils rassemblent leur linge, leurs caleçons, leurs brosses à dents, l'argent de la caisse, et échangeant de leurs poings grêles de comptables et de gratte-papier des horions meurtriers, ils s'empilent dans 3 ou 4 voitures et détalent sur les routes de l'Exode. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, une fois les vérifications faites, Éric Alary, des récits qui disent que s'enchevêtrent les civils et les militaires dans l'exode. Alors oui, effectivement, dès le mois de mai, alors ce sera encore plus vrai au mois de juin avec la débâcle totale de l'armée, il est vrai que quelquefois dans les récits, les réfugiés racontent avoir rencontré, croisé la route de militaires qui cherchaient à rejoindre un autre point du front. Et il y a une idée qui revient souvent, c'est que, en gros, les autorités belges et françaises, surtout françaises, auraient bien maîtrisé la gestion de l'exode de mai et moins bien géré, c'est moins qu'on puisse dire, l'exode en juin 1940. Or, force est de constater que dès le mois de mai 1940, eh bien, il y a déjà des réfugiés sur les routes qui doivent être empruntées par les troupes. Il y a un véritable mélange, effectivement, et Claude Simon a raison. Dans la route des Flandres, il y a un luxe de détails sur cette rencontre entre des morceaux humains, des débris d'êtres vivants, dit-il, qui sont blessés, mélangés aux débris d'objets. Il y a vraiment beaucoup de détails qui sont ici racontés. Mais effectivement, il y a déjà des militaires qui se mêlent dans le repli des civils vers on ne sait quelle destination, certains militaires prétextant qu'ils vont rejoindre des troupes ailleurs. On ne peut pas vérifier, évidemment. On a cité Saint-Exupéry, lui a regardé l'exode de haut depuis les avions de reconnaissance. Claude Simon, c'est peut-être le meilleur écrivain de l'exode parce que son style extrêmement contracté, plein de conjonctions, d'ajouts, de parenthèses, correspond à la confusion de l'exode. Il dit... Le brun terne, c'est la couleur dominante, c'est celle des couvertures, de la boue accrochée aux roues, des croûtes écaillées sur le jarret des vaches et des veaux. Mais parfois, une tache rouge trahit la présence d'un édredon ou d'une courte pointe. Et parfois, des colonnes se croisent et on entend un bruit, le bruit d'une poêle sans doute, qui pendant, mal animée, se balançait, se cognait à chaque chaos. Un bruit de quincaillerie qui s'approche, qui grandit, qui passe et puis qui... décroît. Pendant un moment, on l'entend encore teinter comme une cloche, tandis que s'éloignent peu à peu les grincements des cieux d'une dernière protestation, d'un gémissement tenace de plus en plus faible et qui est noyé sous le monotone crépitement des sabots, seul de nouveau à remplir la nuit. Il faudrait rendre la sonorité de l'exode. Éric Alary. Oui, effectivement, c'est extrêmement difficile. Il y a aussi les bombardements. Les Allemands bombardent avec les fameux Stuka, les fameuses trompettes de Jéricho, ces sirènes qui retentissent lorsque les Stuka allemands piquent sur les Belges, sur les Français du Nord, sur les Français des Ardennes, déjà le 12, le 13, le 14 mai. Et ces sons sont terribles de ces avions qui arrivent là, dans le cadre d'une guerre psychologique, terroriser les civils pour faire plier les militaires, tel est l'objectif des Allemands. Donc ça fait partie des sons, les cris, les chevaux en train de mourir dans les fossés, les voitures qui cessent de rouler, les radiateurs de voitures qui explosent, les pleurs, les mères qui crient pour retrouver des enfants, même si certains enfants ont mis autour d'eux une étiquette avec leur nom, parce que certains ne savent qu'à peine lire, qu'à peine parler même et prononcer leur prénom, car l'exode, qu'il soit belge ou français, au mois de mai 1940 et encore après, est avant tout un exode, et essentiellement un exode de femmes, d'enfants, de vieillards, les jeunes hommes étant mobilisés par ailleurs. Alors vous avez consacré un livre sur le sujet, il y en avait eu un en 1957, fruit d'une enquête collective dirigée par Jean Vidalinck, mais dans la mémoire nationale et même chez les historiens, c'est un sujet peu traité, alors que dans la mémoire individuelle et familiale de qui a vécu cette époque, c'est un sujet toujours très fort, très présent. Oui, c'est un sujet très très fort. J'avais constaté la même chose lorsque j'avais travaillé sur la ligne de démarcation et sur l'histoire de la vie quotidienne des Français en général. Et pour moi, l'exode faisait partie de cet ensemble d'histoire de la vie quotidienne des Français. Et c'est vrai que pendant des années, les historiens ont travaillé sur l'histoire politique, sur l'histoire des résistances, sur l'histoire de la collaboration. L'exode est un fait aussi qui quand même a marqué une génération. J'ai vu beaucoup de quinquagénaires lisant l'essai que j'ai fait sur l'exode me dire que finalement leurs parents ne souhaitaient pas parler à la maison de l'exode qui les avait humiliés. Ça fait partie de ces traumatismes d'une société qui a été décomposée. Il faut quand même penser que 8 à 10 millions d'Européens, de Français, de Belges, de Luxembourgeois ont été comme totalement bouleversés, remués comme dans une espèce d'immense machine à laver, et ce qui évidemment va provoquer un traumatisme très très grand. Il y a eu donc peu d'historiens, Jean Vidalin qui était un spécialiste de l'histoire de la Restauration, quelques historiens en ont fait un ou deux chapitres, mais ne parlant que d'ailleurs que de l'Exode, pas forcément non plus de ce qui se passait après, et du retour des réfugiés. Le cinéma s'est emparé, évidemment, de l'Exode, avec Jeux interdits, par exemple, mais aussi des films plus récents dans les années 2000, un film d'André Téchiné, un film de Rapneau, mais où l'Exode n'est souvent qu'un cadre, soit un cadre de départ, soit un filigrane, mais jamais forcément le thème central. Alors une manière de contourner ce sujet qui continue de blesser, c'est de chanter. Je vais vous faire entendre un posthume de Georges Brassens que nous a indiqué Martin Penney. Il est interprété par Maxime Le Forestier. Alors c'est du pacifisme intégral, hein. On peut continuer à chanter même pendant la guerre d'Éthiopie, même pendant la guerre d'Espagne, même quand... Une fois qu'on doit cesser de rire, on se retrouve face au temps qu'allemand. Et dans l'année 40, mon cher, que faisiez-vous? Les teutons forçaient la frontière et comme un fou. Et comme tout un chacun vers le sud, je fonçais en chantant tout ça, ça fait d'excellents Français. Honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. À l'heure de Pétain, à l'heure de Laval, que faisiez-vous mon cher en plein dans la rafale? Je chantais et les autres ne s'en privaient pas. Belle amie, seul ce soir, j'ai pleuré sur tes pas. Le feu de la ville éternelle est éternel. Si Dieu veut l'incendie, il veut les ritournelles. À qui fera-t-on croire que le bon populo, quand il chante quand même, est un parfait salaud? Honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, Mimi Pinson. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Nous évoquons l'Exode avec Éric Alary. Alors, l'Exode ne fait l'objet d'aucune chanson contemporaine qui a été enregistrée, en tout cas, mais il fait l'objet de nombre de romans. Alors, dans la bibliographie du livre d'Éric Alary, qui est reparu chez Tempus Perrin, j'ai trouvé Yves Gibeau, Les Gros Sous, un romancier satiriste, anarchisant et qui raconte le départ des habitants des Rampagnes dans les Ardennes. Ils se retrouvent sous la conduite de leur maire, Barbrieux, dans la région de Tonnerre. Alors le maire, pourrait-on loger la nuit là, trouver un peu de pain pour nous autres et l'eau pour les bêtes? L'homme des cerisiers du village à côté de Tonnerre ne répond pas. Il regarde Barbreux, bien en face, les poings croisés sur sa canne. Barbreux insiste. « Je vous demande, grand-père !» « Vous trouverez plus rien, » dit le vieux. « Sont tous en allée de cerisier après manger. Il n'y a rien ici pour vous autres. Vaut mieux que vous partiez voir ailleurs, à Villechemine, à Dillot, tout droit, sur la route de Tonnerre. Mais quand même, » dit le maire des Rampagnes, « vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y aurait pas un seau d'eau pour nous. » Et le vieux, « si vous prenez de l'eau, il n'y a pas de raison que vous preniez pas le grain qui est dans les greniers. Et le foin, et la viande des saloirs. » Moi, je sais bien ce que je dis, je suis là pour empêcher. Vous devez pas, ni vous ni d'autres, vous installer où que ça n'est pas chez vous. Éric Alary. Oui, alors, ça fait partie aussi de cette histoire cruelle, hein, de l'Exode, effectivement, dans de nombreux témoignages, et pas seulement dans les romans, des témoignages, des rapports de gendarmerie. Il est fait mention de ce rejet des populations qui sont censées accueillir les réfugiés belges du mois de mai et aussi les gens du nord de la France. Et par exemple, dès le 14-15 mai, il se trouve des réfugiés déjà assez loin, en Bretagne, dans le sud-ouest, d'ailleurs là où personne ne les attendait, c'est-à-dire qu'en fait les plans d'évacuation d'avant-guerre ont explosé déjà en mai. Parfois le verre d'eau est payant, hein, le verre d'eau qui est demandé par le réfugié est payant. Alors au début, il y a eu dans certaines régions un bon accueil, mais parce que les habitants pensaient qu'il n'y aurait là que quelques réfugiés. Et puis les réfugiés sont de plus en plus nombreux. Ils arrivent massivement, par centaines, par milliers, et beaucoup se plaignent de voir ces réfugiés risquant ainsi de manger le pain. Il y a une forme aussi de rejet face à des, ce qu'ils considèrent comme des étrangers, c'est-à-dire les Belges notamment, de ce pays qui se déverse dans notre pays. Et donc il y a véritablement, effectivement, dès le mois de mai 1940, et encore plus en juin avec la masse considérable de réfugiés qui partiront, et là ce sera plutôt un rejet des Français par d'autres Français, il y a effectivement, on peut le dire, une fracture entre ceux qui sont censés accueillir et ceux qui donc essayent de survivre, de trouver qui un verre de lait, qui un verre d'eau, qui quelques repos. Mais Eric Larry, on parlerait aujourd'hui de brassage social, l'Exode a permis des aventures, vous citiez le film de Téchiné, il est adapté de L'enfant aux yeux gris de Perrault, c'est une femme de la bourgeoisie qui se retrouve seule avec ses enfants dans une maison abandonnée, et puis surgit un enfant aux yeux gris, enfin un jeune homme, un très beau jeune homme, avec les cheveux très très très courts, comme s'ils avaient été rasés par une autorité. Et puis s'en suivent deux journées d'amour intégral. L'enfant, en fait, il vient d'une colonie pénitentiaire dont les verrous ont sauté. Qu'est-ce qu'il est advenu d'ailleurs des habitants des hôpitaux psychiatriques, des colonies pénitentiaires? Vous étudiez souvent leur cas dans votre livre. Oui, alors là vous évoquiez un film où le désordre des sens est une des conséquences de l'exode, on le voit aussi dans le film adapté du roman de Simenon, Le Train. Alors un certain nombre d'asiles vont donc être évacués avec le personnel dès le mois de mai 1940, mais parfois dans la précipitation, dans le nord de la France, à Arras, mais aussi à Lille, les asiles vont voir le personnel se sauver avec les familles, laissant les portes ouvertes des asiles avec ce qu'on appelait les fous à l'époque dans ces asiles. Donc il se trouve que des fous vont aussi emprunter les routes de l'exode, suivre le mouvement. Alors qu'appelait-on un fou à l'époque? Il y aurait bien des choses à dire et c'est un autre thème. Mais on retrouve par exemple à la fin du mois de mai des fous qui viennent du nord, on les retrouve dans la forêt de la Sologne. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, à d'autres endroits, donc, il y a eu des piqûres qui ont été faites à des fous pour les endormir, pour les abandonner encore plus facilement. Et après, les fous, lorsque le personnel reviendra, s'il revient d'ailleurs, les fous seront souvent partis. Et il n'y aura plus du tout de fous dans les asiles. Alors, pour les prisonniers, en revanche, là, les replis ont été faits en bon ordre. Là, les gardiens de prison, lorsqu'il s'était agi de replier des prisonniers, tout s'est fait en bon ordre. Mais on retrouve souvent, et les gendarmes le disent, des gardiens de prison qui vont battre de façon démesurée des prisonniers qui marchent mal sur les routes de l'exode, parce que ces gardiens de prison sont très inquiets pour leur famille et voudraient plutôt aller chercher leur famille plutôt que de s'occuper d'emmener plus au sud. C'est une hypothétique du refuge, zone hypothétique du refuge, plutôt que d'emmener au sud tous ces prisonniers. On laisse, pour perdre du temps. On laisse les choses, Eric Larry, au 2 juin. On commence à quitter Paris, 8-10 millions d'exodiens, la moitié de la population de la banlieue, les deux tiers de la population parisienne et les points d'arrivée. Vous parliez du sud, il y aurait aussi à citer l'ouest, l'Aveyron, qui avait été évoqué au début de l'émission. Oui. Et puis peut-être un record absolu pour la Creuse. Alors je renvoie à l'Exode, votre livre Tempus Perrin, et à celui que vous avez publié avec notre invité de demain, Bénédicte Vergès-Chaignon, sur les Français au quotidien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je remercie encore la demoiselle du téléphone, Hélène Kouyoumdjian, Julien Dumont à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation à distance, Frédéric Martin, Franck Olivard et Ilinka Negulesco, l'équipe de la Marche de l'Histoire qui vous revient.